poursuit notre marathon radiophonique à l'occasion, réalisé l'occasion de la sortie de la compilation livre, quadruple compilation livre Furania, en recevant, donc là c'est la Furania Team, émission non professionnelle, mais ici on n'écorche que les mots. Donc j'ai le plaisir de te recevoir, Junior, au nom de Sauf Imprévu. Eh ben, ravi d'être ici, merci de l'invitation, merci de l'initiative aussi de cette compilation-là, et puis ravi de participer à ce marathon radiophonique jusqu'au 25, je crois. Le 25, c'est la date de sortie officielle de cette compilation et du livre. Avec des émissions jusqu'au 24, avec plein de gens intéressants qui vont... notamment toi, qui participe et dans le bouquin... Et sur la compile, à plusieurs titres. Donc, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Donc, si tu veux bien te présenter pour les rares personnes qui ne doivent pas te connaître ici. Alors, on va dire Junior, que l'on me voit, on m'entend, on me croise régulièrement depuis de nombreuses années, j'imagine, autour de différents lieux, à Saint-Étienne en tout cas, si l'on reste dans la thématique et de ce rock indépendant. Alors, je viens à plusieurs titres. Dans les groupes dans lesquels j'ai joué, où je participe encore, et puis Sauf Imprévu, ça c'est le local de répétition où effectivement un article est dédié dans le livre à ce sujet-là. Pas grand chose d'autre à dire. Un truc rigolo peut-être sous le clin d'œil que Pac nous a fait à l'instant avec les Rainettes. C'est le tout premier groupe que j'ai fait. Des liens entre le rock et les musiques à synthé peuvent se faire aussi là-dedans, parce que on retrouve dans ce groupe-là Zigo, Greg, le batteur de la Dubink. Qu'on retrouve sur la compile, donc dans un style assez différent, mais c'est peut-être aussi ce qui fait un peu la force un peu de cette scène-là, c'est les mélanges. Alors, Sauf Imprévu, du coup, local de répète, ouais. C'est où ? Ça a commencé quand ? Alors, c'est où ? On est dans le quartier de Bellevue aujourd'hui. Ça a commencé en 1989. Ça a été monté par un groupe qui portait le même nom, qui s'appelait Sauf Imprévu aussi. Un groupe qui a monté un local de répète et qui a vite été rejoint par tout un tas d'autres formations. Alors, on va reprendre l'historique. On va lire des extraits de cette petite compilation aussi, qui est sorti il y a quelques années, Mort ou Vif. Il y a eu des groupes comme les Funny Shaking Stuff, les Swimming Gregories, Eternal Exile aussi, qui ont fait partie de cette association-là, Sauf Imprévu. Et l'idée de départ, c'était de proposer un endroit où répéter à cette scène qui existait depuis un petit moment, mais qui se renouvelle aussi sans cesse. Et Sauf Imprévu a existé dans le quartier du Cred Rock, et puis pendant un long moment sur le quartier de Montieu, impasse des 5 chemins, où on est resté dans une petite maison très longtemps, quasiment une vingtaine d'années, et on a pu développer ces locaux avec tout un tas de groupes qui sont venus répéter à Sauf, avec une gestion qui s'est modifiée au fil des ans, qui a eu une activité intense à une certaine période, un peu plus calme, mais qui existe toujours encore aujourd'hui. Donc un lieu assez important, je pense, pour la plupart des groupes, alors dans une mouvance punk rock, mais c'était vraiment l'endroit où facilitateur, on va dire ça, pour que les groupes puissent venir répéter. Et je le mets dans cet article dans le livre, mais c'est on n'a vraiment pas eu ce souci là, enfin tout, les gens de ma génération et puis même d'autres générations, de se dire où est-ce qu'on va répéter si on fait un groupe, parce que Sauf Imprévu existait et existe encore, quoi. Et du coup, la question piège pour Avataria, c'était de savoir combien de fois ils avaient fait jouer Double Nelson. T'as idée, toi, du nombre de groupes qu'il a pu répéter là-bas ? C'est toujours... Je sais pas, vous détenez le record, Double Nelson. Je sais pas combien de fois ils ont joué à Saint-Té, à Saint-Té. 8. Et hop, voilà. Donc, assez, ouais. Et toi, du coup, tu faisais quoi ? Alors, tu fais quoi dans Sauf ? T'es toujours actif ? Alors, actif, ouais. Alors, Sauf Imprévu, j'étais membre en tant qu'utilisateur pendant un petit moment, depuis toujours, en fait. Depuis 1994, ça doit être ça, mes premières répétitions à Sauf Imprévu. Et puis là, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années où la responsabilité administrative m'incombe. J'ai ce titre-là de président, donc c'est assez agréable. D'accord. Quand les gens m'envoient des mails en cher président. En cher président. différents. Donc c'est toujours, toujours intéressant de... Pour l'ego, c'est bien. On a une gestion, sauf imprévu, assez... assez collégial, on va dire. Il y a ce titre-là, il y a cette raison administrative, juste pour des questions d'assurance, par exemple. Mais on est tous à peu près au même niveau d'investissement. Chacun s'investit comme il le peut, comme il le veut. Et on a cette possibilité-là, finalement, d'ouvrir cet espace et ce lieu à qui adhère à notre, entre guillemets, philosophie et vision un peu de l'utilisation d'un local de répétition. Et au fil des années, c'est une structure qui a été qui a eu des salariés, qui a eu des emplois aidés, des objecteurs de conscience aussi. Et puis le temps a fait que on se consacre plus sur une activité simple de locaux de répétition et pourquoi pas proposer des enregistrements, mais il n'y a pas de permanent et c'est un investissement en fait bénévole de chacun pour un souci aussi d'indépendance en fait. On ne demande pas de subvention, on est totalement autogéré et puis voilà. Concrètement, comment ça se passe? J'ai un groupe à Saint-Thé, j'ai envie de répéter, j'appelle monsieur le président, ça va me coûter quoi? Je vais pouvoir y aller comment? Alors ça c'est toute la question, c'est qu'aujourd'hui en fait, alors ça coûte pas cher, ça coûte 150€ par personne à l'année, en gros, 12,50€ par mois pour avoir une plage de répétition hebdomadaire avec son groupe fixe. Et puis après, on peut venir répéter s'il y a de la place quand on veut. La grosse question aujourd'hui de l'ouverture, en fait, c'est des discussions qu'on peut avoir au sein de l'association. C'est que on est plus dans un réseau de connaissances. Plutôt que d'une volonté d'ouvrir à tout le monde. Alors quand je dis volonté d'ouvrir à tout le monde, c'est simplement sur une question pratique. C'est la gestion des clés, la gestion des locaux, la responsabilité de chacun. On arrive aujourd'hui à une moyenne entre 10 et 15 groupes qui vont répéter à l'année. Avec une plage horaire définie par semaine. Et après, tout l'esprit d'ouverture qui existait, on va dire, au milieu des années 90 jusqu'en 2010, a un peu cessé du fait qu'on s'est retrouvé dans des locaux un peu plus petits. Et surtout, on n'a pas mis en place de permanence pour l'ouverture, etc. Et donc, c'est toujours compliqué quand on a du matériel en commun. En tout cas, on perdure comme ça aujourd'hui. Donc, effectivement, est-ce qu'on est ouvert? Oui, on est ouvert à discussion, à proposition. Enfin, ouais. Ok. Et peut-être avant qu'on évoque aussi, on reviendra sur Sauf, hein, bien sûr, mais qu'on évoque ton rôle d'utilisateur, peut-être de façon au moins à voir avec les gens avec qui, tous les projets auxquels tu as pu participer. On se ferait pas une petite petit coup de respiration musicale là, Ouais, alors du coup, je pense que pour rendre hommage quand même aux gens qui ont ouvert ce lieu-là, on va passer les membres de Sauf Imprévu, le groupe, qui ont ensuite formé un groupe qui s'appelait Les Hommes Courants d'Air. Changement d'atmosphère, c'est le titre qu'on va entendre. Et puis c'est parti vraiment de ces gens-là qui, alors moi j'ai peu connu, voire simplement croisé. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent, en tout cas je les salue parce qu'ils ont créé quelque chose qui perdure maintenant depuis 1989. Ok, Lolo. Sans bonheur, Oye, oye, vous écoutez Radio Dio, émission spéciale dans une semaine spéciale à l'occasion de la sortie de Ferrania, livre compilation qui vous sera présenté le 25 novembre au Méliès en soirée. Et là, j'ai le plaisir d'être avec donc ces dômes, accompagné de Lolo à la technique. On va faire quelques émissions toute la semaine. On fait partie de la team, de la Ferrania team, comme on nous a appelé. Et on a le plaisir de recevoir Junior et Léon pour discuter un petit peu de Sauf Imprévu plus, puisque là, on a évoqué, on va y revenir, les aspects création, organisation un peu. Maintenant, on va revenir un petit peu au côté utilisateur de l'endroit à travers tes nombreux projets que je te propose de parcourir. Ouais, alors la liste va être longue. Je vais parler en mon nom, mais je vais aussi parler au nom d'un peu tout le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était Sauf Imprévu reste quand même le moteur d'une création et surtout le fait qu'on soit personne n'est frustré de ne pas avoir de locaux de répétition et ça c'était quand même assez important et parce que voilà, trouver un endroit où répéter pour des groupes c'est toujours compliqué, trouver un endroit où on peut faire du bruit tard c'est toujours compliqué et trouver un endroit où on se sent bien c'est toujours compliqué aussi donc, et qui dure voilà, alors qui dure c'est la volonté de chacun mais effectivement pour rappeler un peu l'utilisation de Sauf Imprévu et toute une période où c'était un lieu de rendez-vous hein, parce qu'on avait les lieux adéquats, c'était une maison, on avait des locaux de répétition, on avait un espace où on pouvait se réunir, boire des coups, enfin bref, tout ce que l'on peut faire à côté. Et effectivement, moi, Sauf Imprévu, bah, les premiers pieds rentrés à Sauf Imprévu, bah, c'était simplement du bouche à oreille. On savait que ça existait, on connaissait pas forcément bien les personnes au début. Et puis c'était avec le premier groupe avec qui j'ai répété à Sauf Imprévu, c'était les Silly Poulps. Voilà, on répétait, me semble-t-il, le dimanche soir, donc un moment qui n'était pas trop demandé. Ouais. Donc il y avait de la place, il y avait de l'espace. Et puis après, bah, j'ai tous mes groupes de musique auxquels j'ai participé, il y en a un paquet. On a toujours répété ici, alors c'est très simple, mais c'est toujours d'actualité. En fait, c'est un espace dédié aux répétitions avec un équipement prévu, une sono, des micros, des pieds de micro, des fûts de batterie à disposition. Et puis cette idée-là aussi qui a toujours existé, c'est le fait que les groupes puissent laisser leur matériel à l'intérieur sans avoir à trimballer à chaque fois, donc c'est vraiment un lieu super pratique. Alors après, on va dire un endroit où on y passait principalement ces 4 heures de plage par semaine. Et puis après, c'est ce lieu de vie qui s'est développé. Et puis le lieu de vie s'est développé. Répétition, les groupes ont eu envie d'enregistrer. Donc au début, c'était de la location de matériel pour enregistrer. Et puis après, ça a été aussi l'investissement avec les cotisations mensuelles de chacun pour acheter tout ce dont on a besoin pour pouvoir enregistrer, et puis des personnes qui se sont formées aussi, parce qu'il y a des gens qui jouaient dans des groupes, il y a des gens qui jouent dans des groupes qui aussi se sont formés à la sonorisation, à l'enregistrement. Certains en vivent, d'autres font ça par loisir, mais c'est ce côté-là toujours employer ce terme-là peut-être pas pour la première fois, mais on va le répéter souvent, le do it yourself, c'est DIY, faisons-le, on va essayer, on fait des essais, tiens, qui se dit moi j'ai une petite passion pour le son, ça m'intéresse, parce que c'est assez ingrat d'enregistrer, donc celui qui levait la main en disant qu'il était capable d'enregistrer, il était très sollicité, et donc ça a permis quand même une bonne effervescence. Et si l'on compte les 10 premières années, on va parler de cette compile Mort ou Vive qu'on avait sortie en 99, et ben c'est quand même 29 groupes qui ont au moins enregistré à Sauf Imprévu sur 10 ans, ce qui est plutôt pas mal. Peut multiplier à peu près par 3 depuis le nombre de groupes qui est passé par Sauf, et c'est vrai que c'est assez facilitant d'avoir cette possibilité là de répéter, d'enregistrer assez facilement, à moindre coût, et d'une qualité tout à fait acceptable. Donc des compiles, vous en avez fait plusieurs du coup comme ça ? Alors on a fait qu'une seule compile, et c'est un peu le serpent de mer pour... pour la seconde compile, mais Furiana nous a coupé l'herbe sous le pied. Après c'est une question d'organisation. On voulait ressortir une autre compile pour les 20 ans, et puis après on s'est aperçu que ça faisait 25 ans, donc on sortira une compile peut-être pour les 40 ans de Sauf Imprévu. On va rester dans les 40. on reste dans les 40. Alors après, ouais, effectivement, il y a un très grand nombre de groupes qui a répété. Vraiment, après, dans cette mouvance un peu punk rock, hein, c'est le bouche à oreille qui fait aussi que chacun a pu se trouver ici, avec des choses aussi un peu, des groupes assez rigolos qui détonnaient dans l'ambiance. Qui ne sont pas restés très longtemps, des anecdotes aussi de gens consommateurs qui venaient consommer du local de répétition, qui adhéraient pas trop à l'idée totale, c'est-à-dire qu'en fait ils arrivaient, il faisait trop froid, après il faisait trop chaud, et puis voilà, quand on fait pas grand chose, et ben on peut se plaindre. Et du coup, là, tu nous as préparé un petit extrait, un inédit, je crois. Alors ouais, bah du coup, c'est pour revenir sur cette compile Furiania. Donc, il y a un de mes groupes, Boxing Elena, qui s'y trouve dessus. Et donc, ça fait plaisir parce que c'est un titre inédit. En fait, c'est un album qu'on a enregistré, mais on l'a jamais sorti parce qu'il y a eu un changement de personnel dans le groupe. Donc, tout ça est resté assez confidentiel. Donc, le morceau qui est sur la compile Furiania s'appelle Penny, et puis l'invitation d'aujourd'hui me permet de passer un autre morceau inédit de Boxing Elena qu'on a enregistré pas Sauf Imprévu avec Olivier OTH, donc de Sauf Imprévu, mais on l'a enregistré dans un autre lieu, c'était La Fabrique, et c'est aussi ça en fait, il y a aussi ces lieux-là, La Fabrique à Andrézieux, qui permettait aussi d'avoir un espace à moindre coût pendant une semaine pour pouvoir enregistrer un album. Et alors on est en quelle année là du coup ? Là on est en 2005. Okay. On est en 2005 et donc le morceau s'appelle Smoker's Tree. Perfect. toujours en bonne compagnie sur le 895 de Radio Dio et je suppose pour certaines et certains sur sa jumelle numérique le www.radiodio.org avec Junior. On va continuer à parcourir un peu l'histoire sauf imprévu, parcours personnel, enfin tout ça de toute façon c'est tellement imbriqué on va dire que c'est difficile de dissocier les choses. Du coup on pourrait peut-être évoquer des personnes marquantes dans cette histoire, des gens sur lesquels tu as envie de revenir des... Alors effectivement, ouais, je parlais tout à l'heure donc des les hommes courants d'air et le groupe Sauf Imprévu qui ont monté le truc. Et puis ça a été vite repris entre guillemets en main, repris en main. Alors sans en utilisant ce terme-là pas de façon péjorative, mais par d'autres groupes qui sont investis, les Funny Chicken Stuff, les Silicon Damage, avec des gens qui j'ai pas connu longtemps, notamment Michel qui est décédé très dans le milieu des années 90, mais qui s'était beaucoup investi. Michel 2 bonne question. Je te dis oui. Je pense que tu parles. Oui, possible. Moi, je l'ai juste connu sous le nom de Mich, très peu de temps. Et puis, donc, des personnes qui sont investies. Je vais dire Jean-Louis, je vais dire Yves, ou encore Laurent Fleuret, qui sont investis, qui ont monté des groupes, et puis une personne très importante. Alors, et pour moi, à titre d'ami, et pour Sauf Imprévu, c'est Amani. Qui s'est énormément investi pour le lieu, qui l'a fait, qui l'a porté pendant très très longtemps. Amani de la Cotonne, qui était la figure du lieu de Sauf Imprévu, et qui reste vraiment dans nos, moi quelqu'un qui est très important pour moi et qui malheureusement nous a quitté une dizaine d'années, un peu plus. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai fait aussi des groupes. C'est quelqu'un qui m'a motivé à faire des choses, à créer ensemble. Donc quelqu'un d'assez, enfin très important et qui incarnait vraiment cette idée de Sauf Imprévu. Donc ça a été assez dur au moment de son décès. Alors après, l'idée c'était aussi de reprendre un peu différemment. Et puis c'était cette figure. Alors pour Sauf Imprévu, mais également pour la ville de toute façon. Voilà, il y a pas de souci là-dessus. Figure locale, ouais. Une figure locale. Et donc le personnage que l'on pouvait craindre qu'on était en retard pour payer le loyer. Mais un bon camarade avec qui on a quand même vraiment vraiment rigolé et qui a vraiment donné de lui pour ce local là et pour permettre à nous qui a tous, participé aussi à moult projets musicaux, projet. Donc, groupe. Je crois qu'on le retrouve sur la compil Furiana dans donc tu vas m'aider parce que du coup j'ai un trou de mémoire. C'est Lolo qui va nous aider. C'est Straight to Hell. Ah oui, voilà. Straight to Hell. Dans Straight to Hell. Et puis il a participé à moult groupes et peut-être là notamment ce qu'on peut écouter, c'est Fouilla Tribe qui est la suite des Funny Shaking Stuff. Je pense qu'on est au milieu des années 90. Un bon morceau que j'adore écouter qui s'appelle Hedonist Way. So down, he's not well, like he's never been, like he never felt. Want to feel a spike on his vein, want to feel a flash, want to feel. And everyone loves, everyone loves that. And got no friend. His girlfriend is a white lady that she used to find in the afternoon. That she finds him dead, like a little child. You know he died just because he won't mind, just because have I paid the price? Have I paid the price? Have I paid the price? Have I name's a price I'm not sure for the rest of my life. Can I say no when time will come for me to say no to this fucking drug? For me to say no. Some will stay stops of madness, some just fucking life. Ok, on se extirpe du tumulte cette furieuse Furania avec Junior pour se reconcentrer un petit peu sur Sauf imprévu. Donc du coup, j'en étais peut-être, est-ce qu'on pourrait pas évoquer quelques classiques, quoi, quelques anecdotes qui te reviendraient, des trucs qui te font chaud au cœur, qui... Alors, restons... oui, alors, sauf imprévu, effectivement, plusieurs anecdotes, alors qui me concernent ou pas. On a accueilli beaucoup de groupes, et puis un jour, on a eu la surprise d'accueillir un groupe qui était en tournée, en répétition, c'était Enera. Oh. Donc Enera est venu répéter, ils avaient un day off, ils avaient besoin de répéter sur leur tournée et donc ils ont répété à Sauf imprévu, ce qui était un peu improbable. On n'avait pas encore de téléphone portable à l'époque, donc le mot était passé et tout le monde venait les voir répéter. Il y a une date à Lyon, ils jouaient un truc comme ça. Et tout le monde était venu les voir répéter, donc c'était assez drôle. C'était aussi c'est assez drôle de voir ce groupe que l'on a tous aimé voir utiliser notre matériel, on était ravis. Je crois qu'on les a invités gracieusement, on n'est pas allé jusqu'à leur demander une participation financière, donc plutôt rigolo. Et puis après, Sauf imprévu, c'est un lieu de vie, donc je pense qu'on est tous les gens qui sont passés à Sauf imprévu ont tous dormi au moins une nuit sur place. Voilà, c'était un lieu où on a bien vécu, des groupes aussi improbables. Alors on peut les appeler, les nommer, hein, parce qu'ils se sont séparés, même s'ils se sont reformés à l'occasion d'un anniversaire, c'est Bad Taste. Qui ont répété à un moment donné, et puis ils n'avaient pas compris qu'il fallait amener quand même un peu de matériel, C'était une répétition de dépannage. Et en fait, ils ont braqué un casier d'un groupe au hasard. Donc, dans ce lieu sécurisé, on se retrouve avec des affreux comme ça qui, au lieu de demander, sont dit bah tiens, ces casiers ont l'air faciles à ouvrir, alors pourquoi pas les braquer. Donc, c'est toujours, ça fait quelques histoires internes. Un bar clandestin, alors on va dire, bon, le bar clandestin, c'était pas un bar clandestin, mais on avait une petite buvette pour dépanner tout le monde. Et on a des systèmes de notes, et je crois que la bière était à 20 centimes. En euros, et quand même des personnes qui sont montées à plus de 100 euros. Donc voilà, tout un tas de choses, et puis des parties de fléchettes endiablées, un club de foot FSGT sauf imprévu, avec des t-shirts sauf imprévu, qui se déplaçaient tous les lundis, qui perdaient la plupart de ses matchs. Voilà. Et puis des groupes un peu improbables, des gens bizarres qui sont passés, qui sont repartis, qui sont revenus aussi, c'est ça, hein, c'est qu'il y a des gens qui ont un peu disparu de la ville, qui ont arrêté la musique, et puis d'un coup ils disent ouais, bah, je refais un groupe, est-ce que je peux revenir. Donc un peu la porte ouverte, quoi. Plutôt on est plutôt sympa. Et plus personnellement, du coup Alors après, moi, toutes mes répétitions là-bas. Alors après, c'est de longs moments, de longues heures passées à sauf imprévu. Il faudra que je compte le nombre d'heures passées à sauf imprévu, mais je crois que c'est improbable. Si une fois aussi, je faisais une émission ici à Radio Dio, les Derby Rock, les lundis soirs, et pour avoir l'exclusivité d'une démo. J'avais pris une cassette d'un groupe qui s'appelait Come Shot, mais c'était une mauvaise version, et je l'avais passé en disant ouais, mais le son est pourri, et les membres du groupe m'ont attaché sur un un fauteuil, m'ont mis un casque et m'ont mis pendant 2-3 heures la cassette de Come Shot à fond, en me demandant si je trouvais vraiment que ça avait un mauvais son. D'accord. Donc voilà, c'est très sympathique, tu vois, là, c'est un lieu de torture aussi. Ouais, je vois. Et du coup, tu me parlais d'un groupe aussi. Effectivement, après, pour rester un peu dans mon histoire, entre guillemets, avec la musique, entre gros guillemets aussi, cet esprit-là, punk rock, t'as envie de le faire, tu le fais, ça se traduit aussi par des choses un peu improbables, et on revient un peu avec Amani. Je jouais avec lui dans un groupe qui s'appelait Coma 13, mais qui avait pas forcément beaucoup d'ambition, et un de mes groupes préférés de Saint-Etienne, ça a toujours été les Perfect Cousins, que je voyais quand j'étais adolescent. Ils étaient un peu plus vieux que moi, et que j'ai toujours aimé ce groupe, et puis arrive un moment où ils avaient une tournée, la dernière tournée du groupe, deux des membres étaient partis, et en fait j'ai remplacé Olaf à la batterie au pied levé, à se retrouver à faire une tournée de quelques dates en France, et puis un enregistrement sans savoir trop jouer, mais bon, c'était juste parce qu'on était copains, et que voilà, et comme on reste un peu dans les inédits avec, tu nous as préparé un petit morceau. Je me dis que ça s'appelait Male Models, en fait. Donc Perfect Cousine, c'est un titre des Undertones, et Male Models, c'est un autre titre des Undertones. Le morceau s'appelle I Drink to This Love Song, c'est une reprise des Angry Samoans. Et le dernier concert, c'était très drôle, des Perfect Cousins et donc des Male Models, c'était en 98, lors de l'ouverture de la Coupe du Monde, et c'était au Café de la Gare. Donc tu vois, des lieux aussi à la fouillouse, des lieux improbables où on a fait de la musique. Voilà. Ça partira. We'll be right back. écoutez Retour sur Duo. Du coup, on va continuer un peu dans l'introspection cette fois-ci. Du coup, on pourrait peut-être évoquer qu'est-ce que tu retiens de cette longue histoire. Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu retiens de bien, qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire, qu'est-ce que... Alors faire différemment, je sais pas si on peut faire différemment. Oui, il y a plein de choses qu'on peut faire différemment. Le seul truc, c'est que Sauf Imprévu existe encore, en ayant passé des périodes un peu difficiles. Mais pour l'instant, touchons du bois, tout va bien. Donc est-ce qu'il faut faire différemment quelque chose qui existe et qui évolue aussi avec avec son temps? C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je le disais en début d'émission, il y a eu des emplois aidés, parce que des emplois jeunes existaient. Il y a eu l'idée d'essayer de développer l'activité autour de la production discographique, autour de l'enregistrement, ça continue encore, autour du management aussi. À un moment donné, il y avait un emploi aidé qui était un peu dédié à la gestion du lieu, mais aussi à manager des groupes. Donc c'est des choses qui ont existé, et après aujourd'hui ça existe d'une manière un peu différente, alors peut-être un peu moins ouverte même si je ne veux pas employer ce mot-là, on n'est pas fermé, mais on est un peu moins disponible dans le bénévolat et l'animation de ce lieu-là. Mais on est toujours là dans cette vie de tous les jours. On a eu cet épisode où, au moment où on a été expulsé de la maison dans laquelle on était, dans le quartier de Montieu, on était expulsé de cette maison-là. On a fait une bringue mémorable, incroyable même. Et puis il a fallu reconstruire. Et on s'est retroussé les manches. Alors on a eu des compétences chez certains, de la volonté chez d'autres, et on a reconstruit un nouveau Sauf Imprévu de A à Z avec des locaux tout neufs où on a donné du temps. Je ne sais pas si aujourd'hui on le ferait, c'était peut-être aussi l'urgence de ce moment-là à cette époque, mais il a fallu reconstruire, et c'est vrai qu'on est reparti à zéro. On n'avait pas de local de répétition et on a reconstruit tout ça dans le quartier de Bellevue où on s'est investi. Et dans cette idée-là, peut-être de faire ça dans un objectif commun qui permet de faciliter les répétitions, où personne n'a plus de poids que d'autres. Alors le poids, on se le répartit sur ce qu'on va faire tous les jours. La gestion, le trésorier Guillaume, il a plus de poids que les autres, parce que lui il va dire les mecs là, il faut que l'argent rentre, donc faut payer vos cotisations. Après, les prises de décision, ça reste toujours dans l'idée du collectif, et que chacun s'investit, mais après chaque demande proposée par les membres je vais pas dire étudiée ou réfléchie, mais chaque demande est bonne, c'est un truc qui roule. Et toi, je crois que tu es un peu un touche-à-tout, que ce soit dans les groupes ou peut-être à toucher aussi dans l'organisation de concerts. Ouais, organisation de concerts, alors ça c'est plus, alors on va s'éloigner de l'esprit de Sauf Imprévu, mais plus le fait de voir des gens comme le Matsko, Transophobia, énervé, faire des concerts. On s'est dit pourquoi pas organiser nos propres concerts. Alors après, on se rapproche de notre histoire, moi avec les gens un peu du même âge quand on a commencé à faire nos groupes, on a organisé nos propres concerts. C'était au Sporting, c'était à l'Entrepôt, c'était de temps en temps au Mistral Gagnant. Mais c'est cette idée-là, si tu veux le faire, tu peux le faire. Alors ça s'appelait comment votre OGA? À l'époque, c'était de l'organisation de chacun des groupes. Et puis après, avec d'autres rencontres, moi, j'ai fait partie, entre guillemets, activement de DCA, avec Sandra, avec Denis, avec Thierry. Donc là, on est dans lesquelles années là? Là, on est plus dans les années 2010. Ouais. Et puis toujours dans le même esprit, alors si on reste sur le truc de la ville, c'est il y a des groupes qui sont en tournée, des groupes qu'on aime bien, est-ce qu'on pourrait pas les faire passer? Si on les fait passer, on a des contacts, on s'arrange, on sait trouver les personnes pour faire le son, on sait trouver le lieu pour faire les faire jouer, et puis on a tout ce vivier de groupes qui répètent à Sauf Imprévu pour faire les premières parties. Donc c'est des choses comme ça, et puis après c'est des rencontres ici et là, Sauf Imprévu par exemple, là le groupe que je voulais passer c'est Kaka, Loïc, et Manu, Pour moi, c'est un. Ils ont répété de temps en temps à Sauf. Ils ont enregistré aussi de temps en temps à Sauf. Mais bon, c'est pas un groupe qui est forcément affilié, entre guillemets, à Sauf Imprévu. Mais c'est un groupe qui fait partie de l'entourage. Je le note sur le bouquin pour les personnes qui achèteront le livre. C'est que j'essaye de lister les groupes. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Et puis, j'ai rajouté quelques lignes en pointillé pour pouvoir mettre le nom des groupes oubliés, quoi. Et le morceau de Caca qu'on peut écouter maintenant, qui est un peu plus calme que ce qu'on on entend depuis le début, c'est « The World is Gary ». Temps pour nous de boucler cette rencontre, c'est une riche rencontre, j'ai envie de dire. Donc là, c'était plutôt te brancher un petit peu sur le par rapport à Saint-Étienne et à ce projet Furiana, parce que nous on a un petit peu voulu à travers ces 40 ans et montrer je pense la richesse, la cohésion, je pense la transmission de tout ce qui a pu se faire à Saint-Étienne. et de voir avec toi un peu comment tu... Et par rapport à Ursa, par rapport à toi, comment tu t'inscris dans cette histoire, dans ce projet-là de... Alors bah du coup effectivement moi le projet alors ce projet Furania ça fait un moment qu'on en entend parler, alors vous avez fait du bon travail et c'est vrai que cette volonté d'archiver bah ça montre toute la richesse, alors après avec des époques que j'ai pas connues hein, forcément, et puis d'autres où dans lesquelles j'étais un peu plus investi, et puis on s'aperçoit bah ouais que c'est alors je sais pas si c'est une belle histoire, mais en tout cas c'est une histoire intéressante à travers les groupes qui ont marqué localement mais qui ont marqué aussi en dehors des frontières. Mais cette idée là dans cet esprit, je pense que Sauf Imprévu s'inscrit tout à fait là-dedans. C'est cette idée de le faire. On a une idée, on va se donner les moyens de le réaliser parce que c'est réalisable. Et c'est tout cet esprit-là. On fait un groupe, on peut faire des disques parce que c'est réalisable. Alors après, c'est bien, c'est pas bien, ça on verra. C'est le public entre guillemets qui va juger. Mais cette idée-là de créer du lien entre, de montrer l'histoire un peu musicale stéphanoise et environ, moi je trouve ça plutôt intéressant. Alors, en étant fan de musique, je vais découvrir des choses que j'ai pas entendues, que je n'ai pas vécues, l'idée d'avoir des témoignages aussi, c'est des rencontres avec des personnes que je ne connais pas, donc je trouve ça plutôt bien. Et puis après dans cet esprit, vous en avez parlé tout à l'heure juste avant l'émission que Lionel proposait, mais dans le mag c'était le fait que ce soit encore accessible, 4 vinyles avec un bouquin pour 50 €, c'est simplement du jamais vu aujourd'hui, donc c'est on reste toujours dans cet esprit là faisons-le avec nos moyens, faisons-le avec les moyens des autres et ne pas empêcher les gens de s'accomplir c'est beau pour des raisons simplement financières ou autre, et puis chacun vient comme il est et puis il fait ce qu'il a envie de faire tant que ça fait mal à personne. C'est parfait. Voilà. On finit en musique ? Eh bien, on finit en musique. Alors après, c'est un petit clin d'œil. C'est un groupe qui s'appelle Ted Leon de Pharmacist, qui a marqué pas mal. C'est un groupe américain qui a marqué pas mal de gens sur une période à Sauf Imprévu, parce que c'était un groupe qui était sur le devant de la scène, a passé à Saint-Etienne 2 fois, me semble-t-il. Et ce titre-là, s'appelle « Where have all the rude boys gone ?» Où sont-ils passés ? Ben, il y en a qui sont encore là. Et puis tant mieux, voilà. Alors, merci pour l'invitation. Merci Laurent, merci Dom. Merci Radio Dio. Et puis on se retrouve, je crois, le 25. On se voit le 25. Voilà, merci beaucoup.